place by the sea. I hear your soft voice calling to me, making a date for later by phone. And if you're alone, I'll come home. te lève pas. La nuit est si belle, la lune est là pour moi. Soleil tout là-haut, ne te lève pas. Je veux pas m'en aller, pas rentrer chez moi. Oh la la, la la la la la la la la. On va s'enlacer, on va se coller comme ça. À soleil tout là-haut, ne te fâche pas. Je vais divaguer si tu mets le son comme ça. Je peux pas contrôler, tu peux tout faire de moi. Oh la la, la la la la la la. Oh la la, la la ou, la la la la la la. Baladé, laissez ma tête, baladé, et mon corps, baladé, dévaguer, baladé, balade de nuit. Balade de nuit, balade. Viens avec moi, balade. Toute la vie, balade. Balade de nuit. On dit que la nuit, il n'y a que des chats qui dansent sans bruit, à tout petit pas. Petite souris, toi tu viens avec moi, par-delà les gouttières, par-dessus les toits. Viens te balader, la nuit c'est fait pour ça. On va divaguer, le soleil attendra. On a toute la nuit pour danser comme ça. Ou bien toute la vie, si tu restes avec moi. Oh la la, la la ou, la la la la la la. J'ai déconné, y'a plus de moi. Oh la la, petit miaou, la la la la la la. Petit miaou, petit miaou la. Laissez ma tête, balade, et mon corps, balade, dévaguer, balade, balade de nuit, balade, balade de nuit, balade, et viens avec moi, balade, toute la vie, balade, balade de nuit, toute la nuit, de l'Owaï, na somme la croix, Kulumba Niwe, Mbambala, Mbambala, Mbambala, balade de nuit. Nova. Nova. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Oui, quoi encore ? On a un pépin, je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, les 3 kilos de pommes bicolores, dont 1 kilo offert, sont à 2,69€. Soit 90 centimes le kilo de pommes bicolores chez Lidl ? C'est pas possible. Ah si patron, c'est le vrai prix, hein. Pour 3 kilos, dont 1 kilo offert. Et origine France en plus, hein. Chez Lidl, c'est possible. Mais pour nous, c'est vraiment pas de la tarte. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 115-150, variété Gala ou Braeburn selon supermarché, origine France. Nova, le grand mix. See, I want you to feel it too. Shame on you, girl, if you can't dance too. j'aimerais sur les couvertures de la toile, les galaxies et les Bermudes, rafraîchir la page où l'on s'est retrouvé le soir du carnage. Les ambulanciers étaient en âge, j'ai paré les pluies dorées de l'orage. Une panthère dans la chambre, devant la caméra, c'est danse. Qu'est-ce que je ferais pas pour avoir la chance de gagner mon passe entre tes jambes. Une panthère dans la chambre, devant la caméra, c'est danse. Qu'est-ce que je mes fleurs, j'ai remarqué, on les voit dans le cadre de tes préférés. C'est vrai qu'ils sont belles, les gens qui y ont mois de mai, et le rideau se lève, le show recommence. Une question. Vous trouvez pas qu'il fait chaud ici, vous? Oui. Wow. Et il nous donne un misérable ventilateur et qui marche même pas. Comme c'est drôle les saisons. Avant il y en avait, maintenant il n'y en a plus. T'as raison, il fait pas chaud. Ah oh. Il est 7h, vous êtes dingue? C'est Nova. Every day.